بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Donc الحمد لله رب العالمين. Ça me fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec mes frères de la ville de Québec, Masjid al-Athar. Et الحمد لله les frères qu'Allah les récompense pour le travail, l'effort qu'ils font. Ils m'invitent de temps en temps comme ça pour qu'on puisse profiter ensemble des paroles de nos ulama et des explications qu'ils ont mentionnées, des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna authentique. Et donc, c'est une assise de rappel bénéfique, inshallah. Et on a choisi un sujet, cette fois-ci, qui est un sujet très important, c'est la aqidah. La aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, la aqidah des Salaf al-Salih, nos pieux prédécesseurs. Et c'est un résumé de cette aqidah qui est concis et bénéfique, rempli de preuves du Coran et de la Sunnah. Et c'est un livre sur lequel on va se baser aujourd'hui qui s'intitule « Al-Mu'taqad al-Sahih », la bonne croyance, la croyance qui est « sahih », c'est-à-dire qui est authentique, qui est correcte. Et le titre au complet c'est « Al-Mu'taqad al-Sahih al-Wajib ala kulli muslim i'tiqaduhu », c'est-à-dire la croyance authentique qui est obligatoire à chaque musulman d'avoir comme croyance, comme conviction. Hein? Il faut que tu crois en cette croyance-là avec foi, avec conviction, avec certitude. Et c'est ce que signifie al-i'tiqad. Al-mu'taqad, c'est al-i'tiqad, c'est la croyance. Donc c'est le sujet du livre. On va essayer, inshallah, de faire le plus possible de ce livre. Bien entendu, il couvre plusieurs des fondements et des principes de la aqida. Et on va essayer de faire honneur à ce livre de la même manière que, yani, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala récompense l'auteur de ce livre de la meilleure récompense. Et c'est le Cheikh Abdus Salam ibn Burjis, rahimahullah, al-Abdul Karim. Et le Cheikh Abdus Salam ibn Burjis, rahimahullah, il faisait partie des shuyukh, un docteur parmi les docteurs de la science islamique. Et il est décédé, rahimahullah, à un âge très jeune. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis beaucoup de bénédictions dans sa vie, car malgré son jeune âge, il a réussi à écrire des livres très bénéfiques et à laisser pour la Ummah des choses qui sont très profitables dans les questions de croyance, dans les questions de manhaj. Et il a défendu pendant toute sa vie le manhaj d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, la aqidah des salaf. Plusieurs de ses livres qu'on a déjà étudiés aussi à Montréal dans la mosquée. Parmi les livres qu'on a fait de Cheikh Abdus Salam, le livre qui s'appelle Mu'amalat al-Hukam, c'est-à-dire le comportement du musulman vis-à-vis des dirigeants. Ça, c'est un des livres que le Cheikh Abdus Salam a écrit. Aussi, un autre livre qu'on a étudié du Cheikh Abdus Salam, c'est le livre qui s'intitule Al-Amru bil-Luzumi Jama'at al-Muslimin wa Imamihim wa Al-Tahdhiru min Mukhalafatihim, c'est-à-dire l'ordre de rester unis avec la jama'a des musulmans ainsi que leurs dirigeants et l'avertissement contre le fait de se séparer de la jama'a et de se diviser, hein, de la jama'a. On a fait ce livre-là et on a fait d'autres livres aussi comme le livre sur At-Tawassul, hein, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit de At-Tawassul et d'autres également. Donc le Cheikh il a écrit de nombreux livres qui sont très très bénéfiques. Et parmi ces livres-là, il y a celui-là qui est un résumé et qui est à la base une conférence que le Cheikh a fait, le Cheikh qui l'a donné, et qui a été mis sous forme d'écrit, ou bien peut-être que c'était un écrit et que le cheikh en a fait une conférence. Dans les deux cas, yani c'est un livre très bénéfique parce qu'il résume dedans les différents points qui ont rapport avec la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'ah. Donc pour résumer un petit peu le contenu du livre, donc il y a une introduction au sujet de l'aqida des salaf et de leurs principes de façon générale, et ensuite il rentre dans les différents principes de la croyance islamique en commençant par le tawhid. Et puis il va expliquer donc tawhid al-rububiyya, tawhid al-asma al-sifat et tawhid al-uluhiyya. Après il va expliquer les six piliers de la foi: al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadr khayrihi wa sharrihi, en résumé. Puis il va expliquer le verdict à propos de ceux qui tombent dans le péché. Ensuite, la aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des Sahaba. Ensuite, la aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet de la maison, les gens de la maison, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la croyance d'Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des karamat, des awliya, les prodiges des awliya. Ensuite, la aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a en ce qui concerne l'obligation vis-à-vis des dirigeants musulmans, parce que ça c'est un principe important parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a et de la aqida des salaf et leur méthodologie. Et ensuite deux points qui restent: l'interdiction de disputer au sujet de la religion et l'interdiction de s'asseoir avec les gens de la passion et de la bid'a. Donc tout ça c'est couvert dans le livre. Et donc, c'est pour ça que je dis, on demande à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'on soit capable de passer à travers toute cette matière. C'est un livre assez qui contient beaucoup de matière, donc on va essayer de profiter du temps le plus possible. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire dans ce livre? C'est que les versets, je vais les lire en arabe, et les hadiths aussi, puis je vais les traduire. Sinon, s'il y a du texte, du cheikh, des explications, bon, dans certains passages, je vais seulement traduire directement. D'accord? Mais certaines athars aussi, certaines narrations des salafs, c'est bien de les connaître dans la langue d'origine parce que ça nous familiarise plus avec leurs expressions, donc c'est mieux de les citer en arabe aussi. Donc, vous allez voir comment on va essayer de faire ça, inshallah. Donc, je commence. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Donc, le Cheikh Abdussalam ibn Burgis, rahimahullah, il dit: la croyance d'Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est la religion de vérité, qui est obligatoire à chaque musulman d'avoir comme croyance et comme conviction. Et c'est la croyance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons, de ses nobles compagnons. Quiconque contredit cette croyance, alors il se met sous la menace du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de sa colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des différentes sectes et des différents groupes qui vont apparaître dans cette umma, il a mentionné au sujet de ces différents groupes et de ces différentes sectes qui se divisent du corps de la umma, qu'ils allaient être divisés en 73 sectes, en 73 groupes. Et comme il l'a dit dans le hadith, « Kulluha fi an-nar illa wahida » وهي الجماعة أخرجه أحمد وأبو داود من حديث معاوية وأخرجه أحمد وابن ماجة وابن أبي عاصم من حديث أنس. Donc ça c'est basé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la umma va se diviser en 73 sectes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: elles seront toutes en enfer excepté une seule. C'est-à-dire que les 73 sectes qui se divisent de la umma, parmi elles, il y en a une seule qui est sauvée et qui est protégée, ou disons à l'abri du châtiment, et les 72 autres sont en enfer, excepté hein, on a dit excepté une, et c'est la jama'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est la jama'a. C'est-à-dire celle qui reste unie et qui s'organise autour du dirigeant musulman et qui reste unie dans la aqidah et sur la aqidah de Ahl Sunnah wa Jama'a. Et ça, c'est expliqué dans une autre narration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il explique que la jama'a qui est sauvée, ou le groupe qui est sauvé du feu de l'enfer et de la menace, hein, de l'enfer, c'est man kana ala mithli ma ana alayhi, hein, wa ashabi al-yawm. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le groupe qui va être épargné et sauvé de l'enfer, parmi ces 73 sectes, c'est celui qui est sur la même chose aujourd'hui que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi, ainsi que ses compagnons. Et ça, c'est rapporté, comme on a dit tout à l'heure, par l'imam Ahmad, Abu Daoud, et Ibn Abi Asim, et Ibn Majah. Et c'est rapporté, cette narration qu'on vient de mentionner, celle qui mentionne que c'est le groupe sauvé, c'est celui qui suit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi et ses compagnons, par l'imam Al-Ajurri dans son livre Al-Sharia, qui est une référence dans la aqidah d'Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, de même que yani Al-Tabarani dans son livre Al-Saghir wa al-Awsat, et c'est rapporté yani selon plusieurs d'entre les sahaba, et parmi eux yani Muawiyah et Abu As, Anas, ils l'ont rapporté selon Anas aussi, et selon Abdullah ibn Amr, et également selon l'autre narration aussi, selon Anas aussi. Donc ça, c'est le principe d'Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est une règle. Hein? Et donc, Ahl Sunnati wal Jama'a, qui sont-ils? Ce sont ceux qui s'accrochent à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et à la sunna de ses successeurs bien guidés, Al-Khulafa, hein? Al-Rashidin, et qui mordent dans cette sunna, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans la sunna des khulafa al-Rashidin, avec leurs molaires. Et c'est une façon de parler, c'est une façon de dire qu'ils s'y accrochent avec fermeté et avec toute leur force. Et c'est pour cette raison qu'on appelle, Ahlus Sunnati wal Jama'a, on les appelle également Al-Firqatu Najiyah, le groupe sauvé. Hein? Parce que c'est la secte qui est sauvée parmi les 73. C'est sauvée de l'enfer. Najuna min an-nar yawm al-qiyamah. Ils sont sauvés de l'enfer au jour de la résurrection et ils sont épargnés des différentes innovations dans cette vie d'ici-bas. Et donc, ils sont le groupe sauvé et le groupe victorieux. Hein? Al-Mansoura. Et ça, c'est basé sur un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Al-Mughira ibn Shu'ba, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dhalik. Il y a d'autres narrations: La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Donc ça, c'est pour dire qu'il y aura toujours un groupe de la Ummah qui va être victorieux jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah à la fin des temps, et ils seront toujours victorieux sur la Sunnah. Ah. Et victorieux, comme le Cheikh il dit, Zahirun, ça veut dire bima'na nasr, c'est-à-dire qu'ils vont être toujours supportés et défendus et victorieux par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah il le dit dans le verset par rapport au terme Zahirin. Mudahirun, hein, ça veut dire la victoire, dans le sens que Allah le mentionne dans le verset 14 dans sourate As-Saff. Il dit: فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Zahirin, c'est-à-dire victorieux. Et dans l'autre verset, il dit: وَقَالَ إِنَّ جُنْدَنَا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَهُمْ غَالِبُونَ بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ أَوْ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ. Et le Cheikh explique que la victoire de ce groupe sauvé, elle est soit avec l'épée, soit avec la preuve. Mais parfois, ils peuvent être victorieux avec la preuve sans être victorieux avec l'épée. Parce que la vraie victoire, c'est la victoire qui est supportée par la preuve du Coran et de la Sunna. Et d'être victorieux dans le sens qu'on a la preuve qui vient d'Allah et de son messager sur la position qu'on est en train de suivre. Donc si on est sur la vérité et qu'on a les preuves de notre côté en ce qui concerne la aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a, eh bien dans ce cas-là, on est victorieux dans tous les cas, même si on n'a pas le support de l'épée. Le support de l'épée, ça c'est quelque chose qui est supplémentaire. Mais la base, c'est qu'on est victorieux par rapport à notre croyance, parce que cette croyance, elle est basée sur la vérité qui vient d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et c'est un groupe unique qui ne se divise pas. Et c'est pour ça qu'on les appelle Al-Jama'a. Donc ce groupe victorieux, ce n'est pas un groupe qui se sous-divise ensuite. Hein? Contrairement à ceux qui, aujourd'hui, essaient de prétendre que les salafis se divisent en différents sous-groupes. Et on l'entend surtout dans les médias actuellement. Ils disent, il y a des salafis djihadi, il y a des salafis siyasi, il y a des salafis quiétistes, salafistes politiques, salafistes, toutes sortes d'autres termes qu'ils utilisent pour subdiviser la salafia. Donc, la réalité, c'est que non, la salafia, c'est un seul groupe, il ne se divise pas. Et c'est le groupe qui s'accroche à la aqidah des salafs en premier. Donc, si des gens ont une aqidah qui contredit la aqidah des salafs, hein, et qui contredit la voie de Ahl al-Sunnah et al-Jama'a, ils ne peuvent pas faire partie des salafis. Ils ne sont pas considérés comme étant des salafis, même s'ils se prétendent salafis. Donc, la salafia, c'est pas quelque chose qu'on prétend seulement avec la bouche, ou qu'on se donne comme appellation. Il faut que ce soit quelque chose qui soit supporté par des preuves et qui soit en accord ou qui corresponde à la réalité de qu'est-ce qu'on est réellement dans notre croyance et dans nos actions et dans nos paroles. Et quand on regarde ceux qui sont qualifiés de, par exemple, salafis djihadistes ou des choses comme ça, ben, quand on regarde leur aqidah à ces gens-là, on voit que leur aqidah, c'est la aqidah des khawarij. Donc, quelqu'un qui a une croyance, qui est la croyance des khawarij, eh bien, il ne peut pas être salafi, puisque la aqidah des khawarij consiste à faire le takfir des musulmans parce qu'ils commettent des péchés. Et le fait de faire ça, c'est en contradiction avec les fondements même de la aqidah des salafs. Donc, quelqu'un qui est djihadi, il ne peut pas être salafi. Il suit la voie des khawarij, donc il contredit la voie des salafs. Hein? Ou bien quelqu'un qui serait soufi, par exemple, on ne peut pas dire qu'il est soufi, comme Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans. Il décrit sa jama'a en disant que c'est une jama'a qui est soufiya salafiya. Eh bien, tu ne peux pas être soufi salafi en même temps. C'est comme si tu dis je suis musulman et juif en même temps, ou je suis musulman et chrétien en même temps, ou je suis sunni et mubtadi' en même temps. Soit tu es sunni, soit tu es mubtadi'. Tu ne peux pas être mubtadi' et sunni en même temps. Soit tu suis la sunna, soit tu suis la bid'a. C'est comme de l'eau et de l'huile, du feu et de l'eau. Tu ne peux pas les mélanger ensemble. C'est deux choses qui sont complètement séparées. La même chose avec ceux qui se disent salafis politiques, par exemple. Eh bien, ça, c'est la méthodologie des frères musulmans qui veulent mélanger la méthode démocratique électorale avec l'islam et qui prétendent qu'ils suivent l'islam en faisant ça. Et ça, c'est en contradiction avec le manhaj des salafs et des ulama salafiyins de notre époque et des époques précédentes aussi, puisqu'on sait que notre manhaj sur les questions politiques, il est clair. Et la position des salafs sur ces questions-là, elle est claire aussi. Donc, tu ne peux pas dire que tu es salafi puis contredire ces fondements-là. C'est pour cette raison-là qu'on voit que les gens qui jouent avec les appellations comme ça, qui essaient de confondre et de mélanger les gens avec ces appellations-là, en essayant de diviser et de subdiviser les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a et les salafiens, tout ça, c'est rejeté. Et les ulama, ils ont écrit des réfutations à ce sujet-là, et ils ont clarifié la fausseté de ces prétentions-là. Donc ça, c'était une parenthèse en passant, pour expliquer ce point-là, que les gens de la sunna sont un groupe unique qui ne se divise pas. Et c'est pour ça qu'on les appelle al-jama'a. Parce qu'al-jama'a, ça, quand on dit ahl-sunna, on dit ahl-sunnati wal-jama'a. Et quand on dit al-jama'a, ça implique qu'ils sont unis. Et c'est pas pour dire qu'ils sont unis que ça veut dire qu'ils doivent être physiquement unis et qu'ils doivent former un seul corps physique réuni dans un seul lieu à un seul moment. Non. Unis, c'est-à-dire unis par la croyance. Unis par le fait qu'ils s'accrochent tous à la vérité qui est dans le Coran et dans la Sunna, même s'ils sont divisés physiquement C'est-à-dire que certains sont dans un pays, certains sont dans l'autre pays. Certains ont vécu à une époque, d'autres ont vécu à une autre époque. On est tous divisés dans l'espace et dans le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on est divisés pour cela. Non, on est quand même unis. Parce que qu'est-ce qui nous unit? C'est notre croyance. On est réunis sur le fait qu'on croit en la même chose que ce en quoi ont cru la première partie de cette umma, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. On est sur la même croyance et la même méthodologie et le même principe pour comprendre les fondements et les textes de l'islam. Après, le cheikh il dit قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. Donc, est-ce qu'il y a après la vérité, est-ce qu'il y a autre chose que l'égarement? Non, il peut rien avoir d'autre en dehors de la vérité que l'égarement. Donc, les gens de la sunna, ils sont sur la vérité. Et si tu ne fais pas partie des gens de la sunna, donc automatiquement, tu es dans l'égarement. Et l'égarement dans lequel tu es, eh bien, il est relatif à l'éloignement dans lequel tu es par rapport à ce groupe-là. C'est-à-dire que ton égarement peut être très grand, comme il peut être moins grand aussi. Et ça, c'est-à-dire que c'est proportionnel à l'écart que tu as par rapport à leurs principes, à leurs croyances et à leur suivi du Coran et de la Sunna. Et il dit, le cheikh il dit également qu'ils n'ont pas un nom par lequel ils sont connus, excepté l'islam et la Sunna. Et ce qui est indiqué par ces deux termes-là. D'accord? Donc, les gens de la Sunna, ils n'ont pas d'autre nom qui les distingue du reste des musulmans, excepté l'islam et la Sunna. Ou un autre terme qui renferme la même compréhension ou la même signification. Donc, quand on dit par exemple qu'on est sunni, eh bien, ça donne l'indication qu'on suit la Sunna. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est Ahl Sunnati wal Jama'a. Ok, si on dit qu'on est salafi, salafi fait référence aux salafs. Qui sont les salafs? Les salafs sont les sahaba et les tabi'in. Et les tabi'in, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et on a des références pour justifier cette appellation-là dans le Coran et dans la Sunna. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, Il nous dit à propos des premiers musulmans, as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wa al-ansar wa alladhina ittaba'uhum bi ihsan, il dit radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits d'Allah. Et c'est les seuls de la umma que Allah a mentionné avec certitude à leur sujet qu'il est satisfait d'eux. Et donc personne ne peut obtenir la satisfaction d'Allah excepté s'il les a suivis. Puisque Allah dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de la sunna, il dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَ الرَّشِدِينَ, c'est-à-dire suivez ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et les successeurs, donc les successeurs bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali radiyallahu anhum, et les sahaba également, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'autre hadith, yani man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ceux qui suivent ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Donc si tu suis ceux-là, donc ceux-là sont les salafs. Ceux-là sont les salafs. Donc c'est une obligation et un devoir pour un musulman de suivre les salafs. Et quand on dit suivre les salafs, c'est-à-dire les suivre dans leur croyance, les suivre dans la pratique de l'islam et les suivre dans leur méthodologie et dans leur façon de comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Hein? Ça ne veut pas dire, comme certains s'imaginent, que de vivre comme ils vivaient à leur époque. C'est-à-dire que si eux, à leur époque, il n'y avait pas de technologie qui existe aujourd'hui, il n'y avait pas de voiture, donc on ne doit pas vivre avec les moyens modernes qui existent. Il faut juste suivre leur exemple dans le sens qu'on doit vivre de la même manière qu'eux, c'est-à-dire utiliser les mêmes moyens qu'eux utilisaient à leur époque et de ne pas utiliser les moyens modernes. C'est pas ça que ça veut dire suivre les salafs. Parce que les salafs, s'ils auraient eu ces moyens-là aujourd'hui, ils les auraient utilisés eux aussi. Hein? Donc, suivre les salafs, c'est de suivre les salafs dans la façon de comprendre les textes et dans leurs principes, dans leur méthodologie, dans la croyance et dans la pratique de l'islam et la façon de pratiquer l'islam. C'est ça que ça signifie. Ensuite, le Cheikh, il cite une parole de l'imam Malik, rahimahullah. Il dit, « Ahlus sunnati laysa lahum laqabun yu'rafuna bihi illa laysa lahum laqabun yu'rafuna bihi la jahmi wala qadari wala rafidhi. » وسئل رحمه الله عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. Donc les gens de la Sunna, ils n'ont pas de surnom par lesquels ils sont connus excepté la Sunna, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on les appelle ni Jahmi, ni Qadari, ni Rafidi. Ça c'est des noms de sectes, les noms de groupes déviés. Jahmiya qui fait référence au Jahmiya, Jahm ibn Safwan. Al-Qadariya qui fait référence à la secte qui nie la prédestination, le Qadar. Hein? Et Al-Rafida, ceux qui ont refusé la Sunna, qui ont refusé Abu Bakr et Omar, on les appelle Rafida. C'est une des sectes parmi les sectes des Shia. Donc, les gens de la Sunna, on les connaît que par le terme Sunna et le fait de et ce qui a rapport avec la sunna. C'est ça que lorsqu'on a posé la question à l'imam Malik, rahimahullah, à propos de la sunna, il a dit ce qui n'est pas connu par un nom autre que la sunna, c'est-à-dire Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils n'ont pas d'autres noms auxquels ils sont attribués autre que la sunna. Ensuite, le Cheikh il dit la aqidah des salaf al-salih, les ulama ont pris beaucoup de temps et ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de la clarifier avec ses preuves et de l'expliquer. Et un grand nombre parmi les grands imams des salafs ont écrit de nombreux écrits, de nombreux livres. Et ces livres-là, soit que ce sont des livres indépendants, comme ce livre par exemple, qui est écrit sur ce sujet-là seulement, ou bien ils en ont parlé dans des livres qu'ils ont écrits mais qui n'était pas uniquement sur ce sujet-là, mais dans lequel il y avait des chapitres qui parlaient du sujet. Par exemple, beaucoup d'imams, parmi les imams des salafs, ont écrit des chapitres dans leur livre de hadith, dans leur recueil de hadith. Ils ont introduit dedans des chapitres qui traitent de la aqidah des salafs. Un exemple de ça, l'imam Ibn Majah, dans son introduction, le premier chapitre, c'est Kitab al-Sunnah, il explique le manhaj et l'aqidah des salafs. L'imam Abu Daoud, dans son sunan, il y a un chapitre dedans qu'il a intitulé Ar-Rad al-Jahmiya, la réfutation des Jahmiya. Il explique dedans l'aqidah des salafs. Dans le Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, il a des chapitres dedans sur Al-I'tisam bil-Kitab al-Sunnah. Il a aussi un chapitre dedans qui s'appelle Kitab al-Tawhid. Il a un chapitre dedans donc il y a plusieurs chapitres dans lesquels il clarifie dedans la aqidah de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. L'imam Muslim, par exemple, dans son Sahih, il y a un chapitre dedans, Kitab al-Iman, le livre de la foi. Et dans ces livres-là, il profite de ces chapitres-là pour réfuter des groupes qui ont dévié dans différentes questions qui sont reliées à la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Il réfute les Khawarij, il réfute les Murji'a, il réfute les Mu'tazila, il réfute les Jahmiya, et ainsi de suite. Donc, il y a des livres qui ont été écrits de façon indépendante, c'est-à-dire c'est des livres sur la Sunna seulement, et sur la Aqidah seulement. D'autres livres qui ont été écrits sur l'islam en général, et dans lequel il y avait un chapitre sur la Aqidah d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. D'accord? Comme qu'est-ce que je viens de vous mentionner. Et le Cheikh, il va commencer à énumérer une liste de ces écrits-là et des différents imams qui ont écrit là-dessus. Mais avant ça, il dit il y a des écrits qui s'appellent As-Sunna, et qui contiennent la croyance. Et il dit « وَتَرْبُ عَلَى مِئَتَيْنِ وَخَمْسِينَ مُؤَلَّفًا » Il dit ça dépasse le nombre d'écrits qui ont été écrits par les imams des salafs pour défendre la aqidah d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a et pour expliquer la sunna et la aqidah. dépasse 250 livres écrits par les imams des salafs. Et le cheikh Abdussalam ibn Burjis, il a justement un livre qu'il a écrit dans lequel il fait l'énumération de tous ces livres-là. Le livre, c'est un livre qu'il a écrit pour faire le recensement de tous ces écrits des salafs qui clarifient la aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. J'ai oublié comment il s'appelle, je pense c'est Tadwin, j'ai oublié le livre, mais je vérifierai ce soir, Inch'Allah, puis je vous donnerai le nom, ou bien tout à l'heure, Inch'Allah, dans le prochain cours, je vous ramènerai ça, Inch'Allah. Le livre, il est publié, il existe, même en PDF, je crois, vous pouvez le trouver sur Internet. Donc, parmi les livres que le cheikh il a cités, je vais les énumérer rapidement, je ne vais pas faire de traduction ici. As-Sunna de l'imam Ibn Abi Shayba. Et quand vous voyez qu'un imam des salafs écrit un livre et qu'il l'intitule As-Sunna, il faut comprendre par le terme Sunna ici que c'est la Aqidah. Que c'est la Aqidah, d'accord? Donc, As-Sunna de l'imam Ibn Abi Shayba. As-Sunna de l'imam Ahmad Ibn Hanbal. As-Sunna de Ibn Abi Asim. As-Sunna du fils de l'imam Ahmad, Abdullah Ibn Ahmad. As-Sunna de Al-Khallal, l'imam Al-Khallal. As-Sunna de Ahmad ibn al-Furat, Abi Mas'ud al-Razi. As-Sunna de Asad ibn Musa. As-Sunna de Ibn al-Qasim, le compagnon de l'imam Malik. As-Sunna de Muhammad ibn Salam, Al-Bikandi. As-Sifat wa al-Rad ala al-Jahmiya de Nu'aym ibn Hammad. Donc, ça c'est parmi des exemples de livres. Il y en a d'autres encore. As-Sunna de l'imam Al-Athram. As-Sunna de l'imam Harb ibn Ismail Al-Karmani. As-Sunna de l'imam Ibn Abi Hatim. As-Sunna de l'imam Ibn Abi Dunya. As-Sunna de l'imam Ibn Jarir Al-Tabari, le Mufassir. Hein, le grand savant de tafsir, Ibn Jarir al-Tabari. Il a un livre qui s'appelle As-Sunna, dans lequel il explique la aqidah. Il a un autre livre aussi qui s'appelle At-Tabsir fi ma'alim al-Din. Aussi, c'est de lui également. As-Sunna de l'imam al-Tabarani. As-Sunna de l'imam Abi Sheikh al-Asfahani. As-Sunna de l'imam Abi al-Qasim al-Lalaka'i. Et As-Sunna de l'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Tout ça, c'est des livres qui expliquent et qui clarifient la aqidah et le manhaj de Ahl al-Sunnah wal Jama'a et des salaf al-Salih. D'autres livres encore, Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabuni, Al-Ibana de l'imam ibn Batta, Al-Tawhid de l'imam ibn Khuzayma, Cheikh al-Islam, Al-Tawhid de l'imam ibn Manda, Al-Iman de l'imam ibn Abi Shayba. Ça aussi, c'est un livre de Aqidah qui parle de l'Iman et qui explique la Aqidah, la croyance et la foi selon Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Al-Iman, wa alaykum salam wa rahmatullah, le livre qui s'intitule Al-Iman de l'imam Abu Ubaid al-Qasib ibn Salam, un des imams parmi les imams des salafs. Sharh al-Sunnah de l'imam al-Muzani, le compagnon de l'imam al-Shafi'i. شرح مذاهب أهل السنة اكتب ابن شاهين السنة والسنة un livre qui s'appelle الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة اكتب un des imams qui s'appelle قوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني un autre livre qui s'appelle أصول السنة de ابن أبي زمنين un des imams de l'Andalousie, qui fait partie des imams des salafs, des ulama salafs qui étaient sur la sunna et la aqidah des salafs. Il s'appelle Abu Abdullah Ibn Abi Zamanin. Son livre, il est publié. Et même que, je crois que Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah, il a fait le tahqiq de cette risala de l'imam Ibn Abi Zamanin. Al-Sharia de l'imam Al-Ajurri. Ça aussi, c'est un livre vraiment, mashallah. Justement, Cheikh Rabi, il a fait le charh de ce livre en 4 volumes de Al-Sharia, son charh s'appelle Al-Dhari'a. اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام أبو بكر الإسماعيلي السنة الإمام البربهاري صوصي سنليف ده عقيدة دي سلف الإيمان ده ابن مندة الإمام ده العدني العرش écrit par محمد بن أبي شيبة القدر ده écrit par ابن وهب القدر ده أبي داود الرؤيا والصفات والنزول écrit par الدارقطني رسالة السجد إلى أهل زديد écrit par أبو نصر السجدي السجدي également جواب أهل دمشق في الصفات écrit par الخطيب البغدادي et السنة de أبو أحمد الأصبهاني qui est connu par le nom de العسال السنة de يعقوب الفسوي et السنة de القصاب également au sur le sunna de Abu Bakr ibn Zubayr al-Humaydi et au sunna de Hanbal ibn Ishaq et al usul de Abi Amr al-Talmanki et d'autres également le Cheikh Hidi et d'autres très nombreux. Donc ça c'est des livres écrits par ces imams qui sont des livres qui clarifient l'aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Il y a d'autres livres également qui ont été écrits par des ulama dans lesquels il y a des clarifications de l'aqidah des salafs, comme les livres de l'imam Ibn Abdel Barr, un des savants de l'Andalousie aussi, qui était un des grands ulama de son époque, Abdul Ghani al-Maqdisi, Ibn Qudama al-Maqdisi, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, parce que tous ces livres sont des livres qui clarifient l'aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah et qui réfutent les différents groupes. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, l'imam al-Zahabi, Ibn Kathir, c'était un des élèves de Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, celui qui a écrit le tafsir, et qui a écrit Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Hein? Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est décédé en l'an 1800, autour des années 1800. Et d'autres également. وفي بيان المعتقد الصحيح والاحتجاج له وكشف شبهات أهل الأهواء. Donc ça c'est comme introduction que le cheikh il a écrit tout ça, il a expliqué. Donc ça c'est une introduction pour faire comprendre que la aqida des salafs elle est bien établie et que les imams des salafs ils ont écrit de nombreux livres pour expliquer et clarifier hein, ce manhaj et cette aqida. Et donc on va commencer maintenant avec les éléments hein, de la religion et du tawhid. Ok, d'accord. Donc on va prendre une pause pour faire salat al-asr, inshallah, et puis on continue après la prière, inshallah. Hein? Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue par la suite, inshallah. Assalamu alaikum.